Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. On s'appelle et on est jeune. On vous a préparé un petit quelque chose d'assez génial donc pour annoncer maintenant les tops de l'insolite. Donc voici l'introduction à cette capsule. Et maintenant, voici les tops de l'insolite. C'est-tu pas assez génial, ça? Eh oui, donc les tops de l'insolite qui ont maintenant un thème de capsule. C'est fou. Il faudrait en faire un pour les carreaux dates éventuellement. On va penser à ça. Mais donc, aujourd'hui, on vous présente 5 raisons pourquoi vous devriez avoir peur de Apple. Et ça fait peur, laissez-moi vous dire, même que j'ai pris un peu plus de temps pour le préparer pour être sûr de vraiment avoir tous les éléments, pour pas nécessairement accuser faussement Apple parce qu'il pourrait très bien aller me rechercher. Donc, quand même, on va faire attention. Donc, on commence avec le numéro 5, Apple versus leurs consommateurs. Et oui, donc, Apple qui, en fait, lorsque vous achetez plutôt un produit Apple, lorsque vous achetez un iPhone, un iPod, un ordinateur Mac, eh bien, Apple, vous vendent pas simplement des gadgets et des ordinateurs. Ils vendent une façon de voir le monde. Ils vendent une façon d'être grâce à leurs produits et leurs logiciels. En fait, ce qu'on veut dire là-dedans, et c'est ce que Steve Jobs, en fait, disait lorsqu'il a présenté donc les premiers iPhones, les premiers iPods, c'est que, en fait, lorsque vous appelez, plutôt lorsque vous achetez, dis-je, des téléphones comme les iPhones, les iPods de dernière génération, eh bien, vous remarquez que vous n'avez plus la possibilité maintenant d'installer le programme d'exploitation que vous voulez sur votre téléphone ou sur votre iPod. Chose qui était disponible sur les iPhones, les iPods de génération 1 à 4. Vous pouviez installer des programmes comme, admettons, iPod Linux, qui prend beaucoup moins de place que le programme iTunes sur votre iPod, si jamais vous le vouliez. Et également, donc, si vous voulez installer, admettons, le furteur Android sur votre téléphone iPhone, eh bien, vous ne pouvez pas le faire, puisqu'il y a des protections qui sont installées sur leur téléphone. La seule façon de la faire, la seule façon que vous pouvez faire ce genre de truc, installer un autre programme sur votre iPhone, ça s'appelle le jailbreaking, ça veut dire l'évasion de prison. Et oui, donc c'est comme ça qu'on appelle ça. Il faut savoir contourner donc ces problèmes-là, mais quand même, il y a certains problèmes, il y a certaines difficultés à le faire au niveau donc du iPhone et des produits. On disait avant que Bill Gates, donc c'était un peu le mégalomane qui voulait être maître du monde, eh bien, peut-être que ça ne l'est plus, puisque vous pouvez installer les produits que vous voulez sur des produits Microsoft, habituellement, il n'y a pas trop de problèmes. Vous pouvez passer par-dessus Windows et installer Linux, des choses comme ça. Ça fonctionne toujours sur les ordinateurs Mac, donc vous pouvez installer donc les versions de Apple OS X, mais quand même, donc il va toujours avoir un problème de priorité sur vos disques durs, des choses comme ça, lorsque vous installez soit Windows ou vous installez Linux. Mais en quatrième position, donc des 5 choses qui devraient vous faire peur à propos d'Apple, se nomme Apple versus le premier amendement. Bien sûr, on parle du premier amendement des États-Unis. Tout le monde est libre et égaux, liberté de presse, des choses comme ça. Et d'ailleurs, c'est justement la liberté de presse qui est attaquée ici. C'est qu'en fait, le site de nouvelles ZDNet, qui comporte entre autres le chroniqueur, oui, Jason O'Grady, présentait en fait certaines choses qui étaient sorties des bouches de gens anonymes, en fait, qui parlaient des nouveaux produits d'Apple. Et donc, habituellement, lorsque ça arrive, c'est soit un coup de publicité, soit c'est vraiment quelqu'un, donc, simplement, qui va voir le journaliste qui dit « Hey, le nouveau iPhone va ressembler à ça, les nouveaux produits vont ressembler à ça. » Habituellement, les compagnies vont faire « Bon, mais ça va nous faire de la pub gratuite, c'est pas très, très grave. » Eh bien, Apple n'a pas vraiment vu ça comme ça. En fait, ils ont proposé, ils sont rentrés dans une poursuite de 14 milliards de dollars pour pouvoir faire, donc, avouer à Jason O'Grady qui était sa source. Et donc, on sait habituellement la protection des sources, donc, journalistiques. C'est prouvé, c'est protégé même par le premier amendement. Et donc, Apple qui ne voulait pas respecter ça, il voulait absolument savoir qui était la source donc de cette nouvelle, et malheureusement on a réussi à s'en sortir quand même, mais quand même Apple qui est prête à verser 14 milliards de dollars pour connaître un nom, peut-être pouvoir se venger, je sais pas, mais quand même, donc qui accepte pas vraiment qu'on parle d'eux sans leurs autorisations dans les journaux. Et maintenant, la troisième position, en fait, sur les cinq choses qui devraient vous faire peur à propos de Apple, eh bien, c'est Apple versus le pauvre gars qui a peut-être ou peut-être pas volé un iPhone dans une usine. Donc, une usine, comme on disait tantôt, c'est les tiers parties hein, qui fabriquent les instruments d'Apple, les produits. Et donc, c'est arrivé, en fait, il y a quelques années de cela, en fait, un an ou deux. En fait, c'était un jeune garçon, Sun Dan Young, un jeune ingénieur qui travaillait dans une usine en Chine pour les produits Foxconn, qui sont des sous-traitants de Apple et qui devait faire donc les nouveaux iPhone S, là, les nouveaux prototypes, donc en fait qui étaient à l'époque des prototypes. Et lorsqu'il était en poste, Sun Dan Young, sur la chaîne donc de production, un des iPhones a été volé ou a été perdu pendant qu'il était là. Eh bien, Foxconn, la compagnie l'a pris à part et s'est mis à le torturer à question de savoir si c'était lui qui avait le fameux iPhone ou si donc il avait été perdu. Et donc, ils l'ont torturé. Non, ce n'est pas Apple. Faut faire attention, faut pas accuser Apple de torture, mais Apple n'ont pas torturé ce problème. En fait, non pas ce problème, mais ils n'ont pas torturé ce garçon-là. C'est la compagnie de sous-traitance qui l'ont fait, mais inspiré probablement un peu de cette protection des nouvelles technologies. Un peu comme on l'a vu, on essaie de poursuivre un journaliste pour pas que nos produits sortent sur le marché ou en fait sortent dans les journaux avant qu'on l'aille annoncer. Donc, on voulait vraiment pas qu'il fasse donc paraître ce iPhone. Mettons, prendre des photos et envoie ça à différents journaux, comme ça a été vu avec la PlayStation 3. Et donc, Foxconn a vraiment donc torturé son employé. Et ça aurait pu coûter des millions de dollars si ce fameux iPhone aurait sorti. Ça aurait pu coûter des millions de dollars à Foxconn et à Dayong. La compagnie sous-traitante avait tous les intérêts de ne pas faire sortir ces nouvelles et surtout pas faire sortir également qu'ils se font qu'ils torturent leurs employés. Et pour ce qui est de ce Dan Young, eh bien, on ne le reverra plus, malheureusement, puisqu'il s'est suicidé par la suite après sa torture. S'est suicidé en tombant du 12e étage de son building d'appartement. Donc, c'est suicide quand même mystérieux. Eh bien, donc, comme je vous dis, ce n'est pas Apple qui l'ont torturé. C'est la compagnie sous-traitance. Mais quand même, ça peut faire peur de se dire qu'on met tellement de pression sur nos sous-traitants qu'ils vont torturer leurs propres employés. Il faut dire qu'en Chine, la torture est légale aussi. Donc, il n'y a pas rien d'illégal qui a été fait là. Mais quand même, certaines compagnies sous-traitantes d'Apple doivent travailler les fins de semaine et les jours fériés sans le dire à leur famille. Il y a des caméras à l'intérieur de leur bureau, bien sûr. Et les ingénieurs, ça c'est incroyable. Il faut qu'ils se mettent la tête en dessous des draps lorsqu'ils travaillent sur des prototypes de produits Apple. Question de ne pas montrer le fameux produit à quiconque. Et lorsque justement donc on travaille sur le fameux produit, on est dans une pièce fermée et une lumière rouge est allumée, un peu comme devant nos studios lorsqu'on est en onde, il y a une lumière rouge qui dit en onde. Mais lorsqu'on travaille sur un nouveau produit d'Apple, eh bien il y a une lumière rouge au-dessus de la porte pour empêcher les gens d'entrer. La porte se barre automatiquement. C'est incroyable. Donc numéro 2 maintenant, des 5 choses qui devraient faire peur à propos de Apple, eh bien, la deuxième position vient à Apple versus les développeurs d'applications. Et oui, donc, ces fameuses applications du iPhone qu'on a vu apparaître depuis quelques temps. En fait, il y a 3 milliards d'applications maintenant qui ont été downloadées plutôt sur le iPhone App Store, qu'on appelle. Et il y en a environ 150 000 qui ont été sont offerts par le produit, mais quand même, lorsqu'on fait affaire encore là des sous-traitants, des produits, des boîtes informatiques qui créent des applications pour le iPhone, du jour au lendemain peuvent se faire enlever leur application du App Store simplement parce que Apple n'est pas content avec le contenu qui pourrait s'y retrouver. C'est ce qui est arrivé entre autres avec toutes les applications que Google a créées, en tout cas une certaine partie de ce qui a été créé par Google lorsque Google a lancé bien sûr le Nexus One. Un peu en réponse, on sait que là Apple et Google entrent en guerre et bien très bientôt donc avec leurs produits et aussi donc le produit une application qui se nomme Eucalyptus qui est en fait une présentation du Kama Sutra de version victorienne, donc rien de trop osé, rien de photo pornographique, c'est vraiment des dessins de l'ère victorienne, donc du 19e siècle. Du 19e siècle, quand même, il n'y a rien de vraiment incroyable là-dedans. Mais quand même, et c'est arrivé aussi récemment avec les Suicide Girls. Ça, c'est un truc donc un peu burlesque là, avec des filles en petite tenue, mais rien de trop choquant. Là. C'est pas, c'est donc des costumes des années 20, des dessous des années 20 plutôt, sur, donc qui sont portés par ces filles-là. Et ce qu'il y avait, c'est, en fait, c'est que la jeune femme était prise en photo, donc tout habillée d'un côté. Lorsqu'on revirait l'iPhone de côté, eh bien, elles étaient maintenant en petite tenue des années 20. Donc, c'était le thème des Suicide Girls. Et ça a été enlevé donc du App Store sans raison aucune. Et ça a vendu quand même à beaucoup d'exemplaires. Et je pense qu'il y a eu 1 million d'applications vendues de ce Suicide Girl. Et ça a été enlevé par la suite. C'est-à-dire, hein, c'est pas nécessairement parce que ça fait de l'argent que Apple va le garder sur leurs produits. Et encore là, donc, sans aucun avertissement à leur donc fournisseur d'applications. Et donc, sans l'annoncer à personne, on fait tout simplement l'enlever. On n'en parle plus. Et numéro un des raisons pourquoi vous devriez avoir peur de Apple, eh bien, c'est Apple versus tout le monde. Oui, c'est le plan maléfique de Steve Jobs et de Apple. En fait, ça concerne plutôt, vous savez, si vous n'avez pas de produit Mac, bien sûr, là, les Mac sont faits, bien sûr, pour les gens qui veulent les produits faciles à utiliser, qui sont faits, formatés d'une certaine façon, qui fait qu'on n'a pas vraiment à se casser la tête avec les ordinateurs, ce qui est très bien. Mais pour les gens qui sont capables de se débrouiller, qui veulent installer Android sur leur iPhone, des choses comme ça, bien, sachez que ça s'en vient de plus en plus difficile. Et même pour ceux qui ont des PC, oui, des PC utilisant Windows, vous avez un danger potentiel d'être intégré dans ce fameux plan maléfique de Apple, oui, sur les ordinateurs, sur la domination du monde dans un certain genre. Eh bien, en mars 2008, lorsque si vous aviez iTunes, en fait, installé sur votre ordinateur en mars 2008, regardez un peu dans votre ordinateur si vous ne trouviez pas une copie, une version du programme Safari, qui est un explorateur Internet. Et là, oui, il y en a qui vont dire, oui, mais là, vous avez le droit de ne pas l'installer, vous avez le droit. Oui, effectivement, sauf que cette version-là qui a été envoyée en mars 2008, c'était une mise à jour de iTunes, intégrait une version de Safari, c'est à peu près 22.65 mégabits, mais rien n'indiquait en fait que c'était Safari, c'était tout simplement un update normal, une mise à jour très très normale, et on intégrait Safari à l'ordinateur, mais d'une façon cachée. Et donc, on dit, oui, voyons donc, c'est pas si dangereux que ça, mais c'est pas la première fois que c'est arrivé. En juillet de l'année suivante, en juillet de la même année, dans un autre update, il y a eu un autre programme qui a été installé par iTunes, donc sur les ordinateurs donc, il y a des gens qui ont iTunes sur leur PC Windows. Donc, c'était un programme, en fait, en plus, qui laissait plus de publicité sur votre ordinateur et les faire apparaître d'une façon plus facile. Et donc, c'est Stop Badware qui a créé, non pas créé, mais qui ont plutôt averti Apple qu'il propageait un malware. Et donc, on pourrait penser que ça se termine encore une dernière fois là-dessus. C'était la fin du dossier. Et non, en octobre 2009, une nouvelle application d'Apple a été également installée sur les ordinateurs par iTunes. D'une façon normale. Donc, d'une façon non pas normale, mais lors d'une mise à jour supposément régulière du iTunes. Et donc, c'est des opérations, en fait, pour faire installer. En fait, vous avez des pubs, tout simplement, qui apparaissent lorsque vous regardez des vidéos, des choses comme ça, avec QuickTime. Et ça n'a pas été approuvé. Vous n'aviez pas à dire oui ou non. C'était imposé par Apple. Donc, c'était le top de l'insolite des 5 raisons d'avoir peur de Apple. Moi, ça me fait quand même peur. C'est des choses, en fait, j'ai plus vraiment peur là, parce que je suis un utilisateur Linux. Et d'ici à ce que les programmeurs d'Apple soient capables de décoder quelque peu du langage Linux, on est hors de danger. Mais quand même, ça fait peur. Moi, Steve Jobs, c'est pas nécessairement quelqu'un que je trouve très sympathique et que je trouve très, très calme, très, très stable. Mais en tout cas, ça, c'est mon opinion. J'ai la même opinion venant du leader de Microsoft maintenant, qui était le numéro 2 avant. Son nom m'échappe, là, Mathieu Plante, s'il serait là, pourrait me le dire. Mais le gars qui a remplacé Bill Gates, c'est pas nécessairement la personne la plus sympathique du monde non plus à côtoyer. On s'appelle et on déjeune de 7h à 9h le matin du job, job, bar. On s'appelle et on déjeune le matin... On s'appelle et on déjeune le matin du... On s'appelle et on déjeune, c'est Dadek. On s'appelle et on déjeune, c'est de l'actualité nationale et équitérienne, de l'insolite, des chroniques, de la musique émergente et une dose de bon sens. Sans frais cachés et sans contrat, encore mieux, c'est gratuit. On s'appelle et on déjeune tous les matins du lundi au jeudi de 7h à 9h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Une présentation du service aux étudiants de l'UQTR.